Vous allez vivre l'impact de la science de la rue. Échantillon corrosif. Eldorage Nervi 92 Gamma. On se calme. On dit quoi? En douceur. On sait qu'on était amis. Je te l'ai dit, ce n'est jamais personnel, mec. L'amitié, c'est l'amitié. Là, c'est le business. Okay. Okay. Hey, ça part en guerre. Okay. C'est fini la paix, ça part en guerre. 92 autres scènes. Let's go. Ok mon pote, c'est du lourd que je t'apporte. Ouvre ta caisse que je touche le jackpot. Si t'es en manque amateur de sensations fortes, j'ai le produit qu'il te faut, frappe à ma porte. Je remets de l'ordre et pas de ma morgue. Yeah. Je lance nos ogives anthologiques et l'onde de choc. Okay. Approche et accroche tes oreilles au poste. C'est pour mes gars en bas qui large, j'ai survêt de la coste. Je rate pas le coche, je braque le rap sans colt. Mon place est loin d'être trop, je veux qu'elle grimpe sa cote. Se rentrer dans leur code et pratiquer leur méthode. La plupart m'étonnent et juste pour qu'on les pistole. Les mitonnes, à long terme, parle comme ceux qui radotent. Nous la mettre à l'enfer, nos qu'ils aillent la faire à d'autres. Rien à foutre, il est acteur complot. Je veux lui marquer l'histoire comme le crash du complot. La révision pour l'intimité. Pour intimider ceux qui veulent m'imiter. C'est l'heure de déclencher les hostilités. Des données si j'ai heurté ta sensibilité. J'ai là ta place, je vais te la confisquer. T'es ravisant pour toi, c'est trop risqué. C'est l'heure de déclencher les hostilités. Des données si j'ai heurté ta sensibilité. J'en ai un mètre du pendule à l'heure. Les compteurs à zéro. Le moteur gonflé à bloc contre les albéros. Le peur sur mon terrain. Si tu passes, tu te fais tarot. Tu me craques, tu t'arroses, tu restes mon zéro. Ma parole, prends les cartes en main et garde-toi de chemin. Tu hachames, toi et ton lust de qui je flingue. N'est pas le seum, si tu te sens en vie, c'est pas le tringue. Lyrical flingue, j'ai pas le time de m'attarder, ni même de trop bavarder. Partez, ça va partir. C'est bordel, mortel, pour tous nos supporters. Faut qu'on bête le score, frère, les imposteurs sont par terre. Appelle tes partenaires, pour qu'ils te prennent de l'aide. Parce que la bande est raide, on pourrait te retrouver dead. Premier but, c'est que mon peur a ce coup des têtes. Apprécié de tous, déjà calme, trouble le fait. J'ai mon arrivée, je viole pour l'intimider. La besoin d'intimider ceux qui veulent m'imiter. C'est l'heure de déclencher les hostilités. Désolé si j'ai heurté ta sensibilité. J'ai là ta place, je vais te la confisquer. T'es ravisant pour toi, c'est trop risqué. C'est l'heure de déclencher les hostilités. Désolé si j'ai heurté ta sensibilité. C'est la guerre. Collabore ou alors reste à terre. J'fous la merde. Appelle-moi l'élément perturbateur. Rien à perdre. Déclencher les hostilités. Désolé si j'ai heurté ta sensibilité. C'est la guerre. Collabore ou alors reste à terre. J'fous la merde. Appelle-moi l'élément perturbateur. Rien à perdre. Déclencher les hostilités. Désolé si j'ai heurté ta sensibilité. De mon arrivée, j'viole pour l'intimité. Ils sont intimidés, ceux qui veulent m'imiter. C'est l'heure de déclencher les hostilités. Désolé si j'ai heurté ta sensibilité. J'ai là ta place, je veux te la confisquer. T'es ravisant pour toi, c'est trop risqué. C'est l'heure de déclencher les hostilités. Désolé si j'ai heurté ta sensibilité. Échantillon corrosif. N-E-H. Fais voir l'échantillon. Ouais, comme tu voudras. Est-ce que tes oreilles sont prêtes ou pas? C'est la guerre. Hey, j'fous la merde. Rien à perdre.